Pizza Truck, émission créée par Anchieta Irratia et le Centre Social d'Enensat et financée par la Crèche, Commission Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Mickaël. Ça va? Oui. Et bonjour aussi Erunon à tous ceux qui nous écoutent cette deuxième émission de It's a Truc. Oui, bien sûr. Et on va rappeler à l'audience de Anchieta Irratia que It's a Truc, c'est une émission toute nouvelle, c'est la deuxième édition, et c'est une émission qui naît des ateliers de radio It's a Truc qui se font en collaboration avec le Centre Social d'Enensat. Et le LRA d'Andaï. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, peut-être que c'est pas mal de rappeler un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a eu des ateliers, n'est-ce pas? Oui. Ça fait déjà combien de mois qu'on fait des ateliers? 3 mois à peu près, ouais. 3 mois, ouais. Et donc, on a fait des ateliers au LRA du Centre Social de Handaï. Et c'est des ateliers qui sont ouverts, donc l'équipe peut être élargie, disons. Aujourd'hui, nous avons ici que Frédéric, mais il y a Fabrice qui devrait arriver d'un instant à l'autre aussi. Et nous espérons que cette équipe va s'élargir petit à petit avec ces ateliers que nous faisons deux fois par mois, les vendredis. Oui, vendredi le matin, voilà. De 9h à midi. Et donc, il faut dire aussi qu'on a fait ces ateliers, mais nous avons aussi un blog. Oui, sur wordpress.com. Voilà, c'est It's a Truc. It's a Truc. Et vous pouvez trouver dans ce blog les interviews que nous faisons au fur et à mesure, et aussi ces émissions. Cette émission même que vous entendez maintenant en direct sur Anchieta Irratia, vous pourrez la trouver aussi sur itsatruc.wordpress.com. Aterako naiz kalera, nire euskera traketsa praktikatzera. Kaixo laguna, ke pasa kamarada, zer moduz doa errevoluzioa, zer moduz doa errevoluzioa. Gaur aterako naiz kalera, neska txamaite baten bila. Dirurik gabe, preservatiborik gabe, libre, jainkoak bezala. Dirurik gabe, preservatiborik gabe, libre, jainkoak bezala. Banoa. Herri honetako kulero guztiak gaur guzti egingo dira. Herri honetako kulero guztiak gaur guzti. Itzatruk, dernier jeudi du mois de 14h à 15h. Et aussi sur le blog Itzatruk. Et aussi sur le blog Itzatruk. Donc tous les derniers jeudis du mois, Itzatruk sur Anceta Irratia. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, Fred ? On va parler de la LGV et de une animation qui s'est passée sur Andes, sur l'Essor Basque. Voilà. Et qu'est-ce que c'est l'Essor Basque ? Et c'est une course cycliste qui fait tout le Pays Basque. D'accord. Et après tout ça, pour finir, et comme d'habitude, ben on aura aussi l'agenda culturel. Je pense que je vois que tu as plein de papiers sur le petit bureau. Donc, Oui, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'animations par rapport en mars. Donc on aura tout ça à la fin de l'émission. Donc tout ça dans Itzatruk, ici sur Anceta Irratia. Et donc, le premier thème dont on va parler aujourd'hui, c'était cet essor basque. Tu me disais avant de commencer l'émission que c'est la première fois que ça a terminé à Hendaye, non ? Oui, c'est l'arrivée qui est passée à Hendaye et qui était sur la baie de Tchingoudi. Voilà, et donc c'est une course qui traverse le Pays basque. Oui. Et c'est une course, parce que moi je connais pas du tout, donc si tu veux un petit peu expliquer cette course. C'est des amateurs peut-être, ou non? Oui, des amateurs, mais après ils feront le Tour de France, quoi. C'est... Donc, d'accord, donc c'est des gens qui s'entraînent et tout. Ouais. Et alors tu étais là à la fin de la course, tu as fait quelques enregistrements. Oui, j'étais pour l'arrivée. D'accord, et on va entendre un peu de la situation, l'ambiance qu'il y avait, non ? Voilà, les résultats. Donc en ce moment, il y a les cyclistes qui arrivent. Voilà, ils étaient 200 participants. Et il y avait beaucoup de monde à voir l'arrivée. Oui, oui, sur les routes. Manuel, vainqueur ici à Hendaye, Tasker Hendaye, qui est manuel de l'équipe Sunderson, c'est lui le vainqueur à la famille. Et donc ça c'est les résultats. La remise des prix. Voilà. Jambon. Non mais... Allez, donnez-nous le jambon, voilà, le jambon est fait, je pense qu'on peut l'applaudir très fort, car ça n'a pas été facile aujourd'hui pour lui. Il a fort bien manœuvré et a remporté brillamment, très brillamment. Cette étape ici, Hendaye, après... Je ne sais pas si on a bien compris qui est-ce qui a gagné. Est-ce que tu as le nom par là ? Non. Voilà, les photos sont terminées. Merci. Tu vas derrière et tu restes là, car on va continuer. On va continuer avec les fromages. De toute façon, dans ces cas-là, je pense que plus important que qui gagne ou qui ne gagne pas, c'est un peu l'ambiance que ça crée dans la ville. Non ? Oui, c'était entendu, quoi. En top 16 jusqu'à hier, et puis aujourd'hui il a rejoint donc l'équipe de France, la sélection nationale. Depuis cette, c'est lui qui remporte le Grand Prix de notoriété des fromages Istara. Allez, on va lui remettre les fromages, fait remettre par quelqu'un. Voilà la mise de madame l'adjointe au service et des sports d'Hendaye. C'est elle qui a remis les fromages Istara, qui est un des sponsors de l'essor cycliste basque. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Il a comporté aujourd'hui son maillot blanc de leader de l'épreuve de l'essor. Donc voilà un petit peu ce reportage sur l'essor basque qui est arrivé à Hendaye ce week-end. On va écouter maintenant une petite chanson de Edith Piaf et on continue avec notre émission Itzatruk sur Anceta Irratia. Dans les grands hôtels, il a beaucoup de personnel, il a aussi beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il est mon amant. C'est un monsieur très distingué. C'est un monsieur qui est marié. Ses enfants seront très bien élevés. Comme il se doit, sa femme est blonde. C'est un monsieur très demandé. Les gens l'écoutent parler. Il est de la haute société. C'est ce qu'on appelle un homme du monde. Il a aussi un petit chien. On dit qu'il fait beaucoup de bien. Sa femme, moi et puis le chien, nous faisons partie de ses biens. C'est un monsieur très distingué. C'est un monsieur qui est marié. Ses enfants seront très bien élevés. Comme il se doit, je ne suis pas blonde. Monsieur-là peut tout acheter, aime l'illusion d'être aimé. Il est de la haute société. C'est ce qu'on appelle un homme du monde. Je sais pourtant qu'un jour viendra, doucement il me dira, cher ami, je suis désolé, nos relations doivent cesser. C'est un monsieur très distingué, c'est un monsieur qui est marié, ses enfants seront très bien élevés. Comme il se doit, sa femme est blonde. Je resterai seule à pleurer. Mon amour sera bien payé. C'est comme ça, dans la haute société, c'est ce qu'on appelle les gens du monde. On continue donc sur Itza Truk à Antxeta Irratia 89.7 FM et 90.5 FM. Et on disait au début de l'émission qu'on allait parler sur la ligne de grande vitesse, sur ce projet qui traverserait le Pays Basque. Pour cela, nous recevons d'abord notre collaborateur de Itza Truk, Fabrice. Bonjour. Bonjour. Donc, tu viens d'arriver, je crois en plus que c'est ta première fois, parce que la dernière fois, dans la première émission de Itza Truk, tu n'étais pas là. Tout à fait, c'est ma première émission donc aujourd'hui. Je vous remercie de m'accueillir d'ailleurs. Et donc, c'est tout à fait ma première émission. Donc. Très bien. Et alors, bon, c'est toi un peu qui va mener l'interview avec Pancho Tellier pour parler de la LGV. Mais pendant qu'on contacte avec lui, on va lui faire une interview au téléphone. Pendant qu'on contacte avec lui, on entend quelques pubs et une chanson. D'accord. Antxeta Irratia.com. Bidaso aldeko herri mugimenduak ehun saio Antxeta Irratia. Martxoak 4:08-9 arte Herriotsak zientoka. Itza Truk, dernier jeudi du mois de 14h à 15h. Et aussi sur le blog Itza Truk. Et aussi sur le blog Itza Truk. Entzun, uste dut oso hamarka da ona izan dela Hondarribiko arraunelkarteantzako. Nik esango nuke ba igual 60-tako hamarka daura, ero 40 aldeko hamarka daura kenduta, La época ederren izan du dela, ez? Hamarkada hau. Esan, bigarren jaionaren urtean, onaino iritsi ginen, gaztetxeraino, ja hasiak ziren deseskombro lanak eta dana, da berz izan zen okupazio ofiziala, ez? Adierazi. Orain oroitu nez, justo, ateratzen ginela udalaren babesarekin, ertzainez inguratuak, kalean oraindik angirua gogor xamarra izaten zen. Claro, orain ikusitan hori biltzen garen, ematen du, ez dakit noizko mendeko gauzetaz ari garela, ez? Entzun, esan, adierazi, Antxeta Irratiak 10 urte. Zeikarrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Emanak ez dira bekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen, baina batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Bainan mundu ez dira hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira obekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen. Neba Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Kontatu didate Neba Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Kontatu didate Neba Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpean jatzen duela bilutzirik daudenentzat. kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zein karrikaren kantoian egun gorrian gizon batek hauero jendea diotoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutzili daudenen za kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zein karrikaren kantoian egun gorrian gizon batek hauero jendea diotoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutzili daudenen za kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zein karrikaren kantoian negu gorriak izan batek gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsirik dauden entzat Donc de l'autre côté du téléphone, nous avons déjà Pancho Hôtelier. Bonjour Pancho. Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs. Donc on présente Pancho en disant que, qu'il est de l'association Urugne Bidasoa Environnement et on va parler avec, avec lui de la ligne de grande vitesse. Pour cela, nous avons aussi Fabrice ici qui est celui qui va un peu mener l'interview. Donc tu peux saluer aussi Fabrice. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et quand tu veux, on peut commencer avec les questions. Bah oui, c'est tout bon, moi je... Vas-y. Voilà. Alors bonjour, je voudrais savoir où en est aujourd'hui le projet du LGV, actuellement. Alors le projet lui-même, alors d'abord une petite rectification, c'est pas Urugne Bidasoa Environnement, c'est Nivelles Bidasoa, tout court. Donc ça c'est de ma faute, excusez-moi. C'est pas grave, nous sommes également membres du CAD. Voilà, alors le projet LGV, où il en est, bien, le projet LGV continue d'en se lancer. RFF est missionné pour ça par le gouvernement, donc RFF a pour mission de mener à bout ce projet. Voilà, alors où on en est dans le détail, alors, pour le moment on rentre dans la phase d'étude qui concerne les sondages de sol. Vous savez qu'on a gêné considérablement la progression de ces sondages. Mmh. Voilà. Par rapport à ça, il y a eu vous êtes en train de dire qu'il y a eu des actions contre ces sondages. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs en quoi ont consisté ces actions? Alors, il y a eu des tentatives de sondage de la part d'une entreprise Fondasol qui a été missionnée par RFF pour effectuer donc des vérifications de sol. C'est-à-dire des carottages, etc., de façon à porter dans les études les natures des sols qui vont être traversés par le projet de voie nouvelle. Donc, il s'est agi pour nous d'essayer d'empêcher ces sondages. Alors, il y a des procédures particulières, parce qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui a été émis concernant ces sondages et autorisant donc Fondasol à pénétrer dans les propriétés. Or, pour un sondage, il ne suffit pas de pénétrer dans une propriété, il faut également y faire des travaux et y séjourner dans la propriété. Donc, il aurait fallu pour ça que le préfet prenne une autre disposition, c'est-à-dire qu'il édite un arrêté autorisant l'occupation temporaire, ce qui n'a pas été fait. C'est ce que nous avons contesté, et avec un succès, sauf en certains endroits où, bien sûr, les propriétaires étaient d'accord pour que ces sondages se fassent, comme chez M. Berkmans à Arkhang, par exemple. Alors là, le sondage a eu lieu à cet endroit-là, mais les autres points de sondage ont été abandonnés par Fondasol. Et ils sont repris actuellement par deux autres sociétés auxquelles RFF a fait appel, qui sont la société ETI et la société Géotech. Mmh. D'accord, donc nous on voudrait savoir quelque chose par rapport à votre association actuelle. Avez-vous créé votre association par rapport à ce projet LGV ou elle existait auparavant? Non, l'association existait auparavant, elle existe depuis 1992, elle est née lorsque est apparu subrepticement entre Bayonne et Saint-Sébastien un projet de d'Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. Voilà, c'est un projet comme ça qui est sorti tout d'un coup des cartons, ici à Niparallé, grâce à M. Lamassoure, et par une indiscrétion, on a réussi à savoir qu'il y avait une ligne nouvelle de chemin de fer qui était prévue sur ce projet-là pour traverser l'Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. Alors, on s'est immédiatement réunis, on a fondé donc notre association de défense en disant d'abord, la moindre des choses, ça aurait été de consulter les populations pour savoir s'ils étaient d'accord avec un projet d'Eurocité et quel projet d'Eurocité. En fait, on s'est rendu compte que c'était quand même un masque et qu'il s'agissait surtout de construire des nouvelles voies. D'accord, ben justement, par rapport à votre association, alors quelle action avez-vous menée jusqu'à aujourd'hui? Alors jusqu'à aujourd'hui, on s'est surtout opposé donc à l'avancement de ce projet. On a surtout étudié les effets de la grande vitesse sur les populations et surtout sur l'environnement, et on s'est rendu compte que en fait la grande vitesse n'apportait pas grand chose pour les populations et que la grande vitesse est surtout faite pour une élite, ce qu'on appelle une élite circulatoire, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, parce que le train, quand il va circuler sur ces voies nouvelles là qui sont spécifiques à la grande vitesse, ça coûte très très cher, au détriment d'ailleurs d'autres investissements que pourrait faire RFF ailleurs et qui ne se font pas d'ailleurs. On voit l'état dans lequel se trouve le réseau SNCF actuellement en France. Hein. Et donc tous ces problèmes-là ont été soulevés et depuis 1992, donc on est en train de lutter contre ce phénomène. D'accord. Merci. Alors, aujourd'hui, on peut compter à peu près plus de 22 000 signatures, sans compter les actions qu'il y a eu, les manifestations, les associations qui se sont montées, les sites internet contre ce projet. Et donc, moi, j'aimerais savoir si tout ça va servir à quelque chose réellement. Est-ce qu'on peut nous dire quelques mots pour assurer un peu toutes ces personnes qui ont agi contre ce projet? Normalement, il y a une convention qui s'appelle la convention d'Aarhus qui a été signée par la France en 2007 et qui concerne toute l'Europe. Et cette convention d'Aarhus prévoit que pour tous les projets concernant l'environnement et les infrastructures, la population doit être consultée. La population a le droit d'apporter des alternatives. Et ces alternatives doivent être prises en compte. Cette convention d'Aarhus a été reprise plus ou moins dans le Grenelle de l'environnement, hein, où le Grenelle de l'environnement reprend un petit peu cet article de la convention d'Aarhus, où les populations, lorsqu'il s'agit de mettre en place des nouvelles infrastructures, la population doit être consultée et elle peut émettre un avis. Hein. Or, tout ça, ça n'est pas fait. Il y a une fausse concertation qui est menée par RFF sur le projet actuel, mais ils n'ont pas varié dans iota. En ce qui concerne le projet, depuis l'origine, on connaît pratiquement le tracé, et au fur et à mesure que le projet avance, on s'aperçoit qu'il confirme de jour en jour le tracé qui était à l'origine. Hein, autrement dit, ça veut dire que tous les avis qu'on a pu émettre, etc., eh bien, on n'en tient absolument pas compte. Alors, donc, ça, c'est un élément de plus qui justifie notre combat. D'accord, merci. Et quels sont à peu près, vous pouvez nous citer quelques points négatifs par rapport justement à ces villes et ces villages qui vont être traversés par cette ligne grande vitesse au Pays Basque? Quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir? Pouvez-vous nous expliquer? Alors déjà, au Pays Basque, on n'aura pas ce qu'on appelle la grande vitesse, hein, c'est-à-dire les trains ne vont pas rouler à 350 à l'heure comme on pense le croire. Hein. Depuis Dax jusqu'à Vitoria, les trains circuleront à 200 à l'heure maximum, 220 à l'heure maximum, hein, c'est la vitesse théorique maximale. Hein. Déjà, il ne s'agit pas de grande vitesse. Ensuite, étant donné qu'un train à grande vitesse, entre guillemets, hein, il est fait pour aller vite, mais pour aller vite, il ne faut pas qu'il s'arrête. D'accord ? Oui. Donc, il ne s'arrêtera pas au Pays Basque, et nous, on les regardera passer, les trains. Hein. Il faut savoir que, pour les voyageurs, par exemple, les voyageurs, c'est-à-dire les trains internationaux, donc qui concernent le tronçon Dax Vitoria, il y a 8 trains qui sont concernés, 8 trains de voyageurs internationaux. Hein. Alors, donc, on ne va pas construire une nouvelle voie pour 8 trains. Hein. même si le fait de passer par la voie existante pourrait faire perdre quelques minutes par rapport à une nouvelle voie qui serait construite. Hein. Ensuite, on nous a dit que bon, il faut faire passer le fret, il faut mettre les camions sur, la, sur les rails. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais le projet qu'il y a, il est un petit peu débile pour la bonne raison, c'est que on met en place une autoroute ferroviaire, par exemple, qui va occuper la moitié de la capacité ferroviaire de ce tronçon-là. Or, une autoroute ferroviaire, il faut savoir ce que c'est, on met des camions sur le train. Hein, les transporteurs trouvent ça complètement débile, pour la bonne raison, c'est que mettre des tares sur des wagons, ça ne sert à rien. Mettre une cabine de camion sur un wagon, ça ne sert à rien. Et la train d'aller de Madrid jusqu'à Berne, par exemple, c'est débile. Hein. Alors donc, nous, on est pour le transfert du fret sur le train, d'accord, mais en ce qu'on appelle un transport combiné, c'est-à-dire des conteneurs. Conteneurs qui peut, disons l'unité multimodale idéale pour le transport des marchandises. Pourquoi ? Parce qu'un conteneur, il peut voyager aussi bien par bateau, par train que par camion. Hein. Or, c'est pas du tout ça qui est prévu, ça n'est prévu que partiellement. D'autre part, il faut savoir que le Y basque auquel va être connecté le tronçon de ligne nouvelle ici à Iparralde, ce Y basque-là, il est utilisé essentiellement pour les voyageurs, mais pour les voyageurs à l'Evoalde. Hein? Donc il y a très peu de trains de marchandises qui vont circuler sur cette nouvelle voie-là en Pays Basque. Alors tout ça fait qu'on a calculé, on a les chiffres d'ailleurs exacts du nombre de trains de marchandises qui traverseront la frontière, on sait qu'ils sont au nombre de 94 lorsque les voies existantes en Espagne seront mises aux normes européennes, ce qui n'est pas pour demain. Hein. Et globalement, donc, une fois que ces deux lignes, c'est-à-dire le réseau Y basque plus le réseau classique en Espagne sera rénové, et ces deux réseaux étant à saturation, il y aura la place pour 94 wagons, trains par jour, pardon, 94 trains par jour qui traverseront la Bidassoa. Et 94 trains par jour, ils passent très largement sur la ligne existante actuellement, puisqu'elle a une capacité de 264 trains. Hein, la vérité des chiffres, elle est là, et c'est pour ça qu'on s'accroche là-dessus. D'ailleurs, RFF ne l'a pas démenti, puisque 94 trains, c'est le chiffre émis par RFF lui-même. Donc, au total, on voudrait construire une nouvelle ligne pour 94 trains de marchandises et 8 trains de voyageurs. Voilà. D'accord. La réalité des choses. D'accord, mais merci pour ces questions, pour ces réponses. Et donc on peut conclure que ce projet est totalement négatif pour notre pays, pour le Pays Basque. Ça n'apportera rien au Pays Basque, contrairement à ce qu'on dit, parce que de toute façon la grande vitesse, le rôle de la grande vitesse, c'est d'amener des passagers le plus vite possible d'un point très urbanisé à un autre point très urbanisé. Autrement dit, le seul qui tirera profit dans cette affaire-là, ce sera la ville de Bordeaux. D'ailleurs, la ville de Bordeaux, ils ont un projet qu'ils appellent Euratlantique, avec lequel ils comptent faire passer la population de Bordeaux d'ici 2020 à 1 million d'habitants. Hein? Ça veut dire que ce ne sont pas les Bordelais qui vont se reproduire comme des lapins. Hein? Ça veut dire que avec l'arrivée du TGV, ils pensent que tous les emplois qui sont dans un périmètre, disons, de une heure et demie de transport, ils se feront dorénavant sur Bordeaux, ils seront concentrés sur Bordeaux, et les gens iront dormir grâce à un train rapide et un petit peu plus loin. Voilà un petit peu le schéma qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la sururbanisation qui est en train de se mettre en place, la polarisation qui est en train de se mettre en place. D'accord. Et merci beaucoup, Pancho. Pour cette interview et à une prochaine fois peut-être. Oui, il y a encore beaucoup à dire. On le dira alors. Entendu. Merci, à la prochaine. Merci. Bye, adieu. Itzatruk, dernier jeudi du mois de 14h à 15h. Et aussi sur le blog Itzatruk. Et aussi sur le blog Itzatruk. Je sais pas, Fabrice, si tu veux rajouter un petit peu quelque chose à tout ce que nous a dit Pancho, ta conclusion, peut-être. ma conclusion que je pense aussi, je suis tout à fait de l'avis de l'association, hein. Ça apportera rien ici, à nous, au Pays Basque, cette ligne à grande vitesse. Mais c'est très bien, nous continuons ici à Itzatruk, nous entendons une chanson de Benito Lertxundi et nous aurons ensuite l'agenda culturel. Ez ote du kaiadak hemenik, ire atza sendotzeko. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Donc voilà cette interview avec Pancho Tellier sur la LGV. Et on écoute maintenant Georges Brassens. Est-ce que tu aimes bien ce chanteur? Oui. Donc on va écouter cette chanson et on continue ensuite avec l'agenda culturel du mois de mars. La liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Donc, comme on disait, après cette chanson, on passe à parler un petit peu de l'agenda culturel. On va vous annoncer les trucs de mars, mais oh, avant ça, tu as suivi quelques événements du mois de février, et tu veux en faire un petit rapport, là? Oui, c'est ça, oui, parce que j'étais voir un spectacle, c'était Madame Marguerite, c'était à Mehdi Soulane. Mm-hmm. Et donc, comment ça... Je pense qu'il y a peut-être encore des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Mehdi Soulane, oui, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc, peut-être que tu peux parler un peu comment ça se passe. Mais il y a deux salles, dans une où c'est des spectacles par rapport à la salle culturelle, la saison culturelle, mais il y a d'autres spectacles qui vont se passer. Mm-hmm. Et en haut, il y a une salle d'exposition. Et je crois que pendant le mois de février, il y avait une exposition, non? Oui, 12 cm. 12 cm, ce qui est quelque chose de un peu étrange, ce titre. Qu'est-ce qu'il y avait à voir? C'est par rapport aux œuvres, ils ne doivent pas dépasser 12 cm. Voilà. Est-ce que tu es passé la voir aussi? Oui, oui, j'ai passé la voir et j'ai vu des personnes qui, eux, ont l'habitude de faire des grands panneaux et ils ont été un peu... Réduits. Et alors, je ne sais pas si on peut toujours voir cette exposition. Oui, c'est jusqu'au 26 février. D'accord, donc il y a cette exposition, déjà comme agenda de mars. Et il y a aussi des ateliers pendant les vacances pour les personnes qui peuvent venir de 3h à 5h. Ils vont essayer de faire leurs 12 cm et ils peuvent les emporter. D'accord, donc c'est pas seulement à voir, mais à faire aussi. Voilà, pendant les vacances scolaires. D'accord. Ensuite, tu me disais aussi qu'il y a eu une conférence qui a été suspendue. Oui, c'était à la médiathèque. C'était par rapport pour le carnaval en basque, quoi, le carnaval basque, quoi. Mm-hmm. Et donc ça, on n'a pas encore la date de... Non, je n'ai pas la date, mais on peut se renseigner à la médiathèque. Voilà. Je ne sais pas, si tu veux, on peut déjà passer à parler de l'agenda du mois de mars. Qu'est-ce que tu as... Oui, mais en ce moment, justement, il y a le lancement officiel de la langue basque, tout le mois de mars, où il y a plusieurs activités. Mm-hmm. Il y a des concerts, il y a des ateliers de radio ici en plus. Voilà, il y a des ateliers de radio à Anceta Irratia. Donc pour les ateliers de radio, différentes possibilités. Vous pouvez aller soit les vendredis de 10h à midi environ au LRA du centre social. Donc ça, c'est les ateliers Itzatruk qui se font plutôt en français. Et sinon, vous avez les ateliers de radio ici à Anceta Irratia qui seront, je crois, le mercredi 2 et 9, oui, l'après-midi le soir plutôt. Et donc ça, ça sera en basque et ça sera, voilà, mais différentes possibilités pour venir ici à la radio. Il y a aussi des animations, il y a le Planète École qui organise un spectacle aux variétés. Ils avaient aussi Planète École, je ne sais pas si c'est déjà fini, mais ils avaient aussi une exposition, une espèce de marché, non ? Oui, ça y est, c'est fait, c'est fini. C'était la médiathèque. Est-ce que tu es passé là aussi ou non ? Aussi, oui. Aussi, alors J'ai voté pour les coiffures, mais bon, j'attends le résultat qu'ils vont le dire pendant la soirée. D'accord. Donc, tu parlais d'un spectacle organisé par Planète École ? Oui, il y a un spectacle avec le LEP d'Aspurdi, le LEP d'Andaï, de deuxième année coiffure et esthétique. Ils vont faire un spectacle de coiffure et de peinture sur corps. D'accord. Donc ça, c'est quel jour ? Si tu le trouves par là, parmi tes papiers. C'est le 17, c'est en soirée. Ça doit être à 20h30. D'accord. Donc, aux variétés. Aux variétés, donc ce spectacle organisé par Planète École. Ouais. Est-ce que tu as plus de rendez-vous à annoncer ? Oui, il y a le... Par rapport au littoral, il y a le nettoyage des plages, avec aussi des expositions à Badia. Et il y a aussi... Le nettoyage des plages, ça sera quel jour ? Ça sera en mars ? Oui, ça sera en mars. On va trouver le jour. Oui. Bon, mais c'est toujours la même date, il faut se renseigner avec le CPIE d'Andaï. D'accord, donc celui qui veut un peu plus d'informations sur ça, sur internet il va pouvoir trouver. Oui. Est-ce que tu as encore des choses et à nous raconter ? Le concours de poésie, il y a un concours, mais il faut s'inscrire à la mairie, mais c'est le 1er mars, le dernier délai pour faire... Pour l'inscription, c'est un concours où il y a jeunes publics et pour les enfants, que ce soit en français et en basque. Donc il faut se dépêcher pour faire l'inscription. Voilà. Pour ce concours de poésie. Et c'est du 22 au 23 au 25 mars qu'il y aura des animations aussi. D'accord, je sais pas s'il y a encore. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à raconter, non ? Oui, oui. Tu peux en dire d'autres, on a un peu de temps encore. Il y a le baptême de plongée, voilà, qui se passe à la piscine d'Andaï. C'est organisé par le club Urpéon d'Andaï. D'accord. Mais c'est le dimanche, c'est le matin. Donc vous téléphonez à Urpéon et ils vont c'est en piscine et... Il faut s'inscrire aussi. Voilà, il faut s'inscrire. Voilà. Et là vous verrez pendant une heure de... C'est de croiser de 9h à midi, vous pourrez nager. Faire ce baptême de plongée. Voilà, de plongée. D'accord, donc plein de trucs culturels, sportifs, artistiques, il y a de tout. Celui qui s'ennuie, c'est parce qu'il veut, non ? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu as un dernier truc à raconter. Ou... De toute façon, un truc qui peut être intéressant, c'est où est-ce que tu trouves tous ces renseignements pour que les gens s'informent un peu. Oui, il faut aller sur le site andaï.com et vous verrez tout le programme. D'accord. Moi, je vais ajouter un dernier rendez-vous. Ce n'est pas à Andaï, mais c'est à Irun. C'est tous les jeudis au Gasteche Lakashita. Il y a un cycle de cinéma multiculturel. Donc c'est tous les jeudis, les différentes associations, elles proposent des films et elles viennent expliquer pourquoi elles ont proposé ce film. Par exemple, aujourd'hui même, il y aura Ancheta Iratia qui propose un film sur le rôle de la radio dans la multiculturalité. Ou par rapport aux populations indigènes en Amérique du Sud. Donc ça, c'est à partir de 19h30 au Gasteche Lakashita. Donc rendez-vous multiculturel aussi. Donc plein de trucs à faire pendant le mois de mars. On continue cette émission où il nous reste que quelques minutes avec une petite pub. Ah, t'as encore un truc ? Oui, excuse-moi, c'est le carnaval qui se passe le 12. C'est vrai, le carnaval qui est assez important. Donc le carnaval de Hendaye, le 12. Il y aura un concours de déguisement à la fin. D'accord. Donc le 12, et si les gens ont envie de carnaval avancé, il y a aussi le carnaval à Irun et Hendarribi le 5. Voilà. Donc plein de carnaval aussi pendant ce mois. Donc on écoute encore une petite pub et une autre chanson. Itzatrouk, dernier jeudi du mois de 14h à 15h. Et aussi sur le blog Itzatrouk. Et aussi sur le blog. Donc Fred, on termine ici notre deuxième émission. On va parler un petit peu en quelques secondes des thèmes qu'on traitera dans l'émission de mars. Oui. Est-ce que tu t'en rappelles ? C'est il y a la journée de la femme en mars, donc on pensera participer. Ça se passe à Bayonne. Voilà, donc on essaiera d'envoyer quelqu'un là-bas de Itzatrouk pour qu'il fasse quelques reportages. Oui, c'est ça. Il y aura aussi le thème de la toxicomanie parce que ce mois-ci c'était censé y avoir une conférence sur ce thème mais qui a été reportée, donc de toute façon on en parlera, mais il y aura quelqu'un aussi qui fera un petit reportage pour l'émission du mois de mars. Oui. Et voilà, je ne sais pas s'il y a encore des trucs, mais c'est sûr qu'on aura plein de trucs dans cette émission du dernier jeudi du mois de mars. Oui. Voilà, Itzatrouk. Et rappelez que les ateliers sont ouverts à tout le monde. Oui, ouverts à tout le monde. Ceux qui veulent y aller peuvent... la porte est ouverte. Voilà, et pour savoir quel jour exactement ça se passe, parce que c'est les vendredis, mais c'est pas tous les vendredis, mais ça suffit d'aller sur le site, sur le blog de Itzatrouk, itzatrouk.wordpress.com, et vous trouverez les dates précises des ateliers de mars. Donc Fred, merci beaucoup une fois encore d'avoir été ici pour nous raconter tout ce que tu nous as raconté. Merci Mickaël et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Voilà, et on se revoit le dernier jeudi du mois ici à Itzatrouk. Bonne journée. Pareil. Tout ce qui m'écœure, depuis l'horreur banale du moindre fait divers, il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour loger la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué, fatigué d'espérer et fatigué de croire. À ces idées brandies comme des étendards. Et pour lesquels tant d'hommes ont connu l'abattoir fatigué. Itzatrouk, émission créée par Anceta Irratia et le Centre Social d'Enensat et financée par la Crèche, Commission Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire.